Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle semaine de Valcan. Je vous parle de la semaine du 1er au 7 mai, donc la semaine 18. En premier lieu, la partie projet, donc j'ai eu quelques idées pour un jeu qu'on essaie de mettre au point, qu'on va sans doute nommer Horror Academy, en tout cas c'est le nom du projet pour le moment, donc c'est un jeu qui permet de jouer de l'horreur mais de manière très light en termes de système. On s'est pas mal inspiré de Trophy, de Cthulhu Dark, de ce genre de jeu et de Liminal Horror, et là je suis en train de réfléchir à avoir la possibilité d'avoir, enfin de proposer plus de combativité au niveau des joueurs pour ne pas être complètement impuissant face aux différentes erreurs qu'ils vont rencontrer. J'avance un petit peu là-dessus, je commence à avoir des idées, je vais voir aussi avec mes collègues de la JDR Academy pour voir si ça leur convient. Au niveau du projet sur le cadre de la Bretagne pour Monster of the Week, ça avance toujours, j'ai récupéré les retours des relecteurs, j'ai pas encore eu le temps de les mettre et de les traiter, parce qu'il y a déjà pas mal de retours, et puis parce que les semaines sont un peu chargées, vous allez le voir, avec les différents médias que j'ai pu consommer, mais surtout, bah voilà, c'est que j'étais pas forcément devant le PC tout le temps. Au niveau des médias, donc cette semaine, qu'est-ce que j'ai lu? Bah j'ai lu pas mal d'articles sur un jeu qui s'appelle Mythsunder, un jeu qui va être édité chez les 12 singes, avec une proposition qui me plaît bien, mais le système me repousse un peu. Pour avoir regardé le jeu en VO, a priori, il faut des centaines de D6 pour y jouer, donc j'imagine que les 12 singes vont avoir des idées pour simplifier tout ça, ou proposer des choses pour ne pas être obligé de se balader avec un sac de sport rempli de D6, mais pour le moment, j'ai pas encore vu passer ce genre de choses, donc je suis un peu refroidi. J'ai terminé de lire un livre qui s'appelle « Organisez vos idées avec le mind mapping », la 4e édition. Donc ce que je peux vous en dire, c'est que c'est un ouvrage intéressant qui explique un petit peu comment fonctionnent les mind maps, les cartes heuristiques. Donc moi, c'est quelque chose qui me parle beaucoup parce que je cherche pas mal d'outils d'organisation, de notes et d'outils d'organisation et de présentation de notes suite à des réunions et ce genre de choses. Donc le livre est pas mal, propose pas mal d'idées, explique un petit peu comment ça fonctionne. Par contre, le truc qui me bloque un petit peu, moi, c'est que ça présente les choses un petit peu comme si on pouvait directement extraire les infos essentielles en direct pendant les réunions, ce qui est rarement le cas, surtout quand nous-mêmes on a à intervenir. Pour en avoir discuté avec des collègues qui utilisent le mind map, c'est souvent plus un travail de mise au propre des notes qui fournit les cartes heuristiques, c'est-à-dire qu'on prend des notes sur des brouillons, etc., et ensuite, à partir de ces notes-là, on va créer les cartes heuristiques. La façon dont ils le présentent dans le bouquin, ça a l'air d'être un peu décorrélé de la réalité, un peu trop facile par rapport à ce qui se passe réellement. Au niveau des médias visionnés, donc cette semaine, j'ai vu, alors, plusieurs vidéos sur Obsidian et la méthode Zettelkasten. Alors, c'est un peu toujours dans ma recherche d'organisation et surtout de réutilisation des notes. Voilà, je m'intéresse beaucoup à ce genre de choses, puisque au fil des années, à prendre des notes à gauche, à droite, j'ai accumulé pas mal de carnets que j'ai laissé traîner. Il y en a beaucoup que j'ai même pas réouvert, alors qu'il y a plein de notes dedans. Donc, je me suis penché depuis maintenant 2 ans sur une façon de pouvoir prendre des notes, mais surtout pouvoir les réutiliser derrière, ne pas prendre des notes juste pour prendre des notes et qu'elles prennent la poussière. Donc là-dessus, je suis tombé sur plusieurs méthodologies. Une méthodologie, moi, qui m'a parlé, qui est la méthode Zettelkasten, en fait, qui consiste à plusieurs choses, donc à découper les notes. On va avoir des fleeting notes, donc des notes temporaires, qui sont les idées qui arrivent au fil de l'eau. On va avoir des literature notes, donc des notes de source, en fait, dans lesquelles on va prendre toutes les notes qu'on a pu prendre en lisant un livre, en lisant un article, en regardant une vidéo. Et ensuite, on va essayer de réduire ces notes, d'essayer d'en extraire l'idée extrême pour faire une note permanente. On va arriver à ce qu'on appelle l'atomicité des idées, c'est-à-dire que une note va représenter une idée, et ensuite on va du coup relier toutes ces idées entre elles, et ça va permettre de créer des nouveaux liens, de créer des relations qu'on ne sait pas pouvoir faire, des choses de temps en temps un petit peu incongrues, mais qui au final fonctionnent. Donc du coup, voilà, c'est ce qu'on appelle un petit peu la prise de notes intelligente, non pas parce que c'est plus intelligent qu'un autre truc, mais c'est parce que en fait on va pouvoir prendre des notes pour les réutiliser facilement. Donc j'ai regardé plusieurs vidéos intéressantes, je vous en ai parlé aussi la semaine dernière, notamment la chaîne de Vicky Zhao. J'ai continué à regarder ses vidéos. Il y a des trucs très très bien. S'il y a un concept qu'elle donne et qu'il faut retenir dans ses vidéos et voire même dans toute sa chaîne, c'est le concept de la boussole des idées, que j'ai trouvé vraiment excellent, notamment pour créer des liens entre les différentes notes. Et franchement, si vous avez un concept à récupérer là, c'est celui-là. Et sinon, elle présente plein d'autres vidéos sur comment débuter la méthode Zettelkasten, comment débuter aussi avec le logiciel Obsidian. Donc Obsidian, qui est un logiciel de prise de notes en Markdown que j'utilise. Après, il y a plus des vidéos un peu plus dispensables, je trouve, comme les plugins que j'utilise, les trucs et les machins. Bon, ça, les plugins, vraiment, c'est de la customisation du logiciel. Ça va dépendre de ce que vous en attendez et ce genre de choses. toujours dans l'idée de la méthode Zettelkasten et de Obsidian. J'ai recherché aussi un petit peu des vidéos sur les notes permanentes parce que du coup, il est réellement difficile de se faire une idée concrète de comment doit être présentée une note permanente. Chacun a sa méthode, chacun a son propre template pour les notes permanentes. Tout le monde va nous donner des templates pour, par exemple, les littérature notes, les fleeting notes, les bullet journal et ce genre de choses. Par contre, les notes permanentes, ça reste assez flou. J'ai trouvé une vidéo qui n'est pas vraiment, mais qui donne déjà pas mal de pistes sur les notes permanentes. Une vidéo un peu dans le même esprit où je voulais voir un petit peu comment d'autres personnes utilisent la méthode Zettelkasten. Donc là, c'est quelqu'un qui utilise la méthode Zettelkasten pour prendre des notes pour sa thèse. Et je trouve que cette personne-là définit bien les notes temporaires, les notes permanentes. Donc c'est plutôt intéressant. Autre sujet, donc toujours petite autre marotte de ma part, les vidéos de Major Mouvement que j'aime beaucoup. Je trouve qu'il a une énergie folle qui passe très bien sur les réseaux sociaux. Et donc il a fait récemment des vidéos que j'ai bien aimées, qui m'ont bien fait marrer. Une vidéo d'analyse notamment qui était sympa, c'est un kiné spectacle où il explique un petit peu, il fait de la vulgarisation. Et une autre vidéo de ces séries où il débunk un petit peu les choses qui se trouvent sur les réseaux sociaux avec les fameux outils miracles qu'on peut acheter pour 39,99$, voilà, ce genre de choses par exemple. Donc voilà, je vous invite à aller voir parce que c'est vraiment assez fun la façon dont il fait ça. Dans les autres points, j'ai regardé un petit peu des vidéos sur des conseils pour encaisser un petit peu les critiques en milieu professionnel, puisque ça arrive à tout le monde, mais de temps en temps, on a un petit coup de mou, et en ce moment c'est un peu le cas, donc il y a pas mal de choses qui m'ont irrité, qui m'ont frustré en termes de professionnel, donc j'ai regardé un petit peu ce qui se faisait aussi, pour voir si les approches que j'ai par rapport à la critique sont les bonnes ou pas, que s'il y a deux personnes qui proposent d'autres solutions. Donc j'ai regardé un petit peu des vidéos, notamment deux, il y en a une qui apporte pas grand chose, hein, je vous le dis tout de suite, et une autre qui reprend des bases face à la critique, quelle qu'elle soit, que j'ai trouvé pas mal. Du coup, avec justement 5 grands points autour de pourquoi il ne faut pas se laisser toucher par la critique. Non, de temps en temps, on a des petits coups de mou, on a besoin de se refaire un peu les bases pour s'assurer que on reparte sur des bonnes bases derrière. Encore un autre sujet complètement différent, niveau jeu vidéo, on m'a passé la bande-annonce de Dredge, un jeu vidéo qui flirte avec l'horreur lovecraftienne. Franchement, j'ai vu la bande-annonce, j'ai tout de suite craqué. Pour le moment, le jeu est très sympa. J'ai testé, c'est vraiment très très cool. Ça me rappelle pas mal une sorte de Sunless Sea en fait, mais en vraiment plus soft. En tout cas pour le moment où j'en suis dans le jeu, mais je sens que ça va se corser un petit peu. Vraiment, c'est une excellente découverte et j'ai beaucoup aimé. Autre média, ce que j'ai écouté donc en termes de podcast et d'émission, j'ai écouté les épisodes autour de Stephen King sur France Culture et franchement c'est très plaisant et très intéressant à écouter. Donc il y a les épisodes sur Shining, sur Dead Zone, etc. C'est très très sympa à écouter. Si vous ne connaissez pas, franchement je vous conseille d'y aller si vous aimez bien Stephen King. Ça creuse pas mal de sujets et on découvre pas mal de choses. Une petite pastille aussi qui est animée par Coup Critique qui a été sur comment animer l'horreur folklorique que j'ai trouvé très intéressante. Donc l'horreur folklorique c'est un peu l'horreur on va dire qui se passe à la campagne avec tout ce qui peut forcer un peu le trait, donc l'isolation au milieu des grandes étendues sauvages et ce genre de choses. Donc on retrouve aussi des thèmes chers aux horreurs lovecraftiennes, ce genre de choses, mais on trouve aussi des trucs qui vont nous rapprocher de Massacre à la tronçonneuse et ce genre de film. Que la petite pastille du coup critique sur comment animer l'horreur folklorique est très sympa. Je vous la conseille aussi. J'ai retrouvé un épisode que je n'avais pas écouté du podcast In Tenebris. Quel dommage que ce podcast se soit arrêté. C'était tellement qualitatif. C'était un podcast qui parlait de phénomènes paranormaux, etc. Avec des témoignages, des interviews, une recherche sans prendre parti, savoir si c'est vrai ou non, mais il revenait sur les faits. Et franchement, c'était d'une qualité folle. Et malheureusement, ce podcast s'est arrêté, donc je crois qu'on est arrivé à 6 épisodes, et donc je n'avais pas écouté le 6e épisode, et je l'ai retrouvé, et je suis très content d'avoir pu écouter cet épisode, et très déçu qu'il n'y en ait pas de 7e du coup. Autre sujet sur les podcasts, j'ai écouté aussi le podcast de la société AxeOpen, qui est une ESN, une entreprise de services numériques, donc ce qu'on appelait une SS2I, une société de services en informatique, qui fait du podcast, et notamment j'ai écouté 2 podcasts autour de la transformation du système d'information en entreprise. Donc il y en a, c'est un retour d'expérience. J'aurais aimé qu'ils aillent un peu plus loin, qu'ils donnent plus de détails. Mais bon, c'est un retour d'expérience avec plusieurs personnes pendant, a priori, un webinaire ou une conférence. Et l'autre, c'est l'interview d'une personne que j'ai trouvée très intéressante dans le sens où il reprend des règles de base pour avoir un système d'information, donc un SI stable et un SI surtout utilisé par les utilisateurs finaux, qui est quand même un peu le but, quand on y réfléchit bien, c'est que l'informatique pour l'informatique c'est bien, mais l'informatique qui a un sens et qui est utilisée par des utilisateurs, c'est quand même mieux. Et donc dans les deux cas, moi, ce que j'ai bien aimé sur tous les intervenants, c'est que dans leur définition de projet informatique et d'architecture, à chaque fois, ils prennent en compte le fait que ça doit avoir un sens aussi bien au niveau de la DSI, donc de la direction des services d'information, du système d'information ou des services informatiques, que pour l'utilisateur final. C'est-à-dire que pour la personne à qui on va dire, bah écoute, on te remplace Excel pour te mettre un nouveau logiciel, il faut que ça ait du sens pour cette personne. Il faut que cette personne qui, ça fait 20 ans qu'elle est sur Excel, il faut qu'elle retrouve des automatismes, il faut qu'elle aille plus vite, il faut qu'elle trouve une ergonomie qui soit plus simple pour elle, il faut qu'elle retrouve vraiment des choses qui vont balayer tous les petits irritants qu'elle a pu avoir sur Excel et qu'il y ait un vrai sens à la mise en place de nouveaux outils pour cette personne. Autre podcast que j'ai écouté, Je t'attends par Light Night Stories, un podcast de fiction audio très sympa, très quali, vraiment une histoire sombre. C'est l'autrice de l'histoire qui est aussi la lectrice, donc elle sait où donner le ton et autres, et en plus franchement l'histoire est très très prenante. Moi, j'attends la suite avec impatience. Je sais qu'un nouvel épisode est sorti vendredi, j'ai pas encore eu l'occasion de l'écouter, donc je vous en parle sans doute la semaine prochaine. Et dernier podcast que j'ai écouté cette semaine, c'est Comment dessiner Lovecraft, une interview de François Baranger sur le podcast C'est plus que de la SF. Franchement, c'était très intéressant et très sympa à écouter. Ça m'a donné envie de prendre les livres de François Baranger, du coup, et de voir un petit peu ce que ça donne. Donc, je pense que l'objectif est atteint. Moi, j'ai trouvé cette interview assez pertinente et assez sympa. Voilà, c'était tout pour la semaine de Valkan. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas. N'hésitez pas à me contacter sur les réseaux sociaux, notamment Mastodon. Et vous pouvez retrouver tous les liens dont j'ai parlé dans cet épisode dans la description du podcast. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine et à la semaine prochaine. Allez, salut!